Qui a dit qu'une tourelle ne pouvait pas avoir le sens du rythme ici? Chaque balle est en BPM, Riders, Kilo Platine. Les viewers en soutien logistique. Je fais mes sets au lance-roquette, pas besoin de table de mix, j'ai des palettes, une caisse de munitions, un sac de riz. Et c'est parti pour un summer party. Y'a un viewer qui me dit t'es pas DJ. Non, moi je te mixe des coups d'Aker, c'est DJ Tourelle. T'as pas le niveau, sur A c'est le son et les bastos. Le feu d'artifice et les tirs de ma base. Et quand je raid, c'est avec classe. Oh, c'est DJ Tourelle. C'est DJ Tourelle. DJ Tourelle. DJ Tourelle. Mon générateur fait brub brub sans plug. Y'a même des beats dans les bugs. Une tourelle qui bug, elle se met à danser. Et moi je la règle pour qu'elle rappe en B. Les viewers hurlent, mec orange group. J'envoie un C4, le plafond s'envole l'autre side. C'est DJ Tourelle. J'te mixe des frags, j'stream la guerre sans glitch ni lag. Tu farmes pendant que j'fais des tracks. Sur ma chaîne c'est boom dans les sacs. C'est DJ Tourelle. DJ Tourelle. DJ Tourelle. DJ Tourelle. DJ Tourelle, dans l'arène estivale, je te fais swinguer entre la mort et le fun fatal. Avec Rider Skill, chaque son est un raid, et chaque kill, un remix balai. DJ Tourelle, dans l'arène estivale, je te fais swinguer entre la mort et le fun fatal. Avec Rider Skill, chaque son est un raid, et chaque kill, un remix balai. DJ Tourelle. Tourelle.